Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bienvenue à vous, chers auditeurs de Radio Fadjet, pour votre toute nouvelle saison des pastilles poétiques. Nous nous retrouvons ce soir avec plaisir après un été passé entre chaleur, pluie et températures souvent excessives. Et pour vous faire une petite confidence, je me voyais très mal après le passage de la rentrée de septembre et la venue en cours des élèves comme des étudiants, nous imprégner d'une posture sérieuse et ce même pour parler de poésie. La poésie d'ailleurs que l'on ne trouve pas toujours là où on croit. Et ce sera peut-être l'objet de cette chronique. J'ai à cœur les grands récits et même parfois les plus petits mots quand on écrit sur quelqu'un. Vous commencez maintenant à connaître votre serviteur et il me fallait par-dessus tout briser ces codes qui parfois nous étouffent. Qui me connaît sait ma passion pour les textes illustrés. Celui que je vous livre ici est une belle idée, pour le coup tout plein rempli de poésie. Il propose une interprétation personnelle par le dessin des œuvres d'un peintre très connu du 19e siècle et romantique de plus, Eugène Delacroix. On doit cette idée à Catherine Meurice qui a publié il y a quelque temps chez Dargaud Delacroix. Le trait de l'illustratrice ainsi que son lettrage vient rendre un double hommage, pour le coup, romantique. D'abord, et évidemment, Eugène Delacroix, peintre du 19e siècle, je l'ai dit, dont les œuvres reprises par Meurice jalonnent les pages de ce livre. Mais c'est aussi un hommage à Alexandre Dumas, qui a brillé une nouvelle fois par le biais d'une réinterprétation filmée du Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet ces derniers temps. Embarquons donc pour cette nouvelle chronique pour la vie de Delacroix, mais avant, laissons-nous séduire par une petite pause en musique. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, mes chers amis, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent évidemment pas connaître. Puisqu'il s'agissait d'évoquer le peintre Eugène Delacroix pour cette nouvelle chronique de la saison 25-26, j'ai bien à cœur d'abord de vous parler clairement, tout simplement, du peintre. Voyons, voyons. Que pourrions-nous dire ? Le 26 avril 1798, né Ferdinand Victor Eugène Delacroix à Charenton-Saint-Maurice, près de Paris. En 1815, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris et suit l'enseignement de Pierre-Narcisse Guérin. Delacroix est un peintre qui mise avant tout sur l'expression de l'émotion. Et cela fait de lui l'un des peintres romantiques qui marqueront le début du 19e. La vie de Delacroix est pourtant marquée par le deuil. Il perd son père à l'âge de 7 ans. Ses résultats au concours et aux examens ne lui laissent pas espérer un séjour glorieux. En 1820, il échoue à la première partie de ses examens également. Parallèlement, il exerce de petits travaux, dessins industriels, décorations d'appartements, costumes de théâtre. En 1822, il connaît son premier grand succès dans un salon avec son fameux Dante et Virgile aux Enfers, son premier tableau exposé. Un voyage en Angleterre le rapproche considérablement des textes shakespeariens et de leur théâtre. Il est déjà marqué par l'univers, évidemment romantique, qui se développe à ce moment-là. Son tableau des scènes de massacre de Sceaux, peint un an avant, est marqué de cette inspiration sensible. Delacroix choisit de représenter un événement contemporain et tragique, le massacre de la population grecque de l'île de Chios par les Ottomans en 1822, pendant la guerre d'indépendance grecque. Le tableau met en scène des corps affaiblis, désespérés, mourants, marqué par la douleur, la peur ou la résignation. Les expressions des visages sont intenses, parfois tordues par la souffrance. Ce choix révèle un engagement politique et moral de la part de Delacroix et caractéristique du romantisme qui rejette l'art purement académique et qui est évidemment tourné ici, en l'occurrence, vers l'Antiquité. La composition est volontairement chaotique et dramatique, un amas de corps humains. D'ailleurs, l'absence de hiérarchie claire dans les personnes casse les codes dits justement classiques. En 1827, son tableau « La mort de Sardanapale » est l'un des emblèmes, encore une fois, du romantisme. Peignant d'instinct, il en résultera, comme la plupart de ses contemporains, des désastres qui ne se manifesteront après peu d'années. Le tableau devra être restauré en 1861. Des craquelures, et des crevasses apparaissent trop vite dues à la hâte de peindre sans respecter les délais de séchage et qui ont abîmé la peinture. D'autres grandes peintures sont réalisées évidemment par Delacroix, mais comment les présenter autrement que par l'écrit d'un auteur contemporain de Delacroix, Alexandre Dumas. Mais avant, mes amis, savourons ensemble, et pour le mieux, une petite pause musicale. Feel the fear in my enemy's eyes. that let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, mes amis, c'était Viva la Vida de Coldplay, un titre qui, d'ailleurs, utilise l'un des tableaux de notre peintre, aujourd'hui Eugène Delacroix, le tableau La Liberté guidant le peuple en toile de fond pour son clip. C'était donc, je l'ai dit, Viva la Vida de Coldplay. Et puisqu'il s'agit de s'intéresser au livre de la Croix de la part de l'autrice Catherine Meurice, et puisque nous parlions du fait que Alexandre Dumas parlait lui aussi d'Eugène Delacroix, il faut dire logiquement que Dumas a le vent en poupe. Le sujet principal du livre de Catherine Meurice concerne, je l'ai dit, la vie du peintre, et cela par le biais d'un prisme littéraire unique qu'on appelle la causerie. Reprise par Alexandre Dumas lui-même, il s'en sert pour livrer des témoignages singuliers remplis d'anecdotes, et il faut dire que le genre de la causerie oscille entre pratiques discursives et intimités touchantes. Ses liens avec la pratique journalistique sont assez étroits, bien qu'elle conserve une notion quelque peu plus égotique. D'ailleurs, elle figure parfois dans des journaux avec une typographie bien à elle. Ce qui va particulièrement retenir notre attention dans le livre de Catherine Meurice, et qui va reprendre l'idée évoquée juste avant, c'est l'écriture. Point de typographie polissée d'ordinateur, il y a du trait et du trait, mes chers amis. Le lettrage est également signé Meurice et fait s'envoler le texte de Dumas, qu'il établit un an après la mort du peintre Delacroix. Insérer une écriture et revendiquer l'aspect personnel et intime de l'univers dans lequel on pénètre. Ici, plusieurs mains qui communiquent parfois à des siècles d'existence. On va de vol en vol entre la pratique de la bande dessinée et celle du livre purement illustré. Il s'agit donc d'une hybridation bienvenue, en l'occurrence, puisqu'elle redonne ses lettres de noblesse à un peintre dont la vie fut mouvementée, tant par le succès que par la misère. En effet, lorsqu'il est aux Beaux-Arts, peu de commandes lui sont adressées à ce brave Delacroix. Rares sont ceux qui se proposent comme mécènes et son art est vivement rejeté par l'instance académique. Il faut attendre pour cela quelques belles commandes, notamment celle de l'État pour la galerie du Palais Bourbon, le Palais du Luxembourg ou l'église Saint-Sulpice. Le texte, écrit par Dumas, a été publié un an après la mort de Delacroix en 1863. Et Meurice va donc l'utiliser. Alexandre Dumas écrit sur son ami qu'il rencontra lorsqu'il exposa Dante traversant l'Achéron. Pour l'auteur de La Reine Margot ou des Trois Mousquetaires, Delacroix n'eut pas une enfance malheureuse, mais, je cite, « accidentée ». Entre empoisonnement, pendaison et incendie, le bambin enchaîne les misères comme un artiste se doit pour forger quelques bribes de sa légende une fois qu'il touche de son doigt d'éternité l'auréole de gloire. À un moment donné, Dumas dit « Nous allons donc tenter d'esquisser cette grande et curieuse figure qui ne ressembla à rien de ce qui sera. Nous allons essayer de donner, par l'analyse de son tempérament, une idée des productions de ce grand peintre. » Dumas annonce le ton. Il ne s'agira pas seulement d'une présentation biographique, mais bien du récit analytique de la singularité de l'artiste. Le livre tient de ce rapport de commentaires évident entre le texte et l'illustration, puisqu'il s'agit de chercher, mes chers amis, ne l'oublions pas, dans ces pastilles poétiques, de la poésie là où parfois on ne croit pas qu'elle figure. Dumas cherche à insister sur l'unicité de création de Delacroix, qui semblait étonnamment comme un seul génie habité. Le massacre de Sio n'est pas encore la liberté guidant le peuple ou la mort de Sardanapale, et Dumas l'avoue lui-même, la main du peintre est encore, je cite, un peu ignorante dans l'exécution. Mais il avoue aussi l'harmonie du tout. Évidemment, comme tout peintre qui s'est démarqué, Dumas évoque Delacroix dans sa plus nécessaire rupture avec l'école de la République et de l'Empire. La même rupture qui finira par lui faire reconnaître des disciples et des fanatiques. Et là, je cite bien évidemment Dumas. Et bien aussi des détracteurs en la personne des classiques qui lui vouèrent une haine farouche. Dumas parle de cette singulière justice distributive, la même toujours au reste de laquelle on s'étonne. Le texte est évidemment jalonné d'anecdotes, qu'elles concernent la suspicion de Dumas concernant le massacre de Sio, ou bien encore le jeu de plumes de pinceau entre Delacroix et Méry, alors que Delacroix composait Hercule, étouffant hanté. Une en particulier qui nous saisit, c'est bien évidemment l'anecdote de la découverte de sa théorie des couleurs avec Marino Faliero. Le fameux double triangle chromatique instaurant, je cite, plusieurs années avant Monsieur Chevreul, la loi du contraste simultané des couleurs. Le père du comte de Monte Cristo nous avise aussi de la rénovation de son appartement, Square d'Orléans, pardon, pour un bal en 1833. Allez, mes chers amis, laissons-nous le temps de doucement savourer cette œuvre de Maurice et emparons-nous de cette chance d'écouter un petit peu de musique. Je vous laisse avec Calogero. Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet sa mère dessinée à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait trait pour trait à partir d'un portrait. Perdu au fond de sa classe, il s'en mêle. Il se débat avec le coriace pluriel. À sa maîtresse, pourquoi parent ne prend pas d'aise? Des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait trait pour trait, à partir d'un portrait. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Eh oui, mes amis, comment savourer honnêtement Eugène Delacroix sans, évidemment, encore une musique qui nous parle d'un portrait. Revenons, si vous le voulez bien, sur le livre Delacroix de Catherine Meurice, publié chez Dargaud. Il est vrai que l'on tourne les pages avec satiété en se redemandant encore, en en redemandant, pardon, encore, presque affamé. Jusqu'à ce que viennent les dernières phrases de Dumas sur Delacroix. Pourquoi un homme qui avait presque touché l'émotion du plus élancé de ses doigts finit dans le dénuement le plus total à la fin de sa vie, seulement aidé par une bonne qui tente de le soulever comme elle peut. C'est que cet homme, nous dira Dumas, qui aurait dû avoir au moment suprême des élèves plein son antichambre, des amis plein son salon, des soupirs et des sanglots plein sa chambre à coucher, meurt seul, meurt abandonné, soutenu dans les bras de son vieux valet de chambre et les mains dans les mains de sa vieille gouvernante. C'est beau pour le valet de chambre, c'est sublime pour la gouvernante, mais convenons-en, c'est triste pour le moribond, et plus triste encore pour l'humanité. Voilà comment, d'un coup de plume, Dumas, nous coupe le souffle. Et il faut l'admettre, ce n'est pas peu dire pour ce peintre dont on tresse des lauriers pour l'œuvre et qui eut tant de mal à le faire reconnaître de son vivant. Et c'est là, mes chers amis, où l'on voit que même sans rime, la poésie peut parfois toucher des domaines que l'on ne pense pas assez. Cette pastille sur Delacroix cercle finalement toute mon appréciation et mon estime pour le mouvement romantique dont je vous ai déjà beaucoup parlé la saison dernière. Mais il suffit de regarder un peu La liberté guidant le peuple pour voir que Delacroix a su capter la vivante émotion qui s'échappait de ces trois journées glorieuses de 1830. Il a, dans les scènes de Scio, un peu de mis de dramaturgie, de dramatisme qui sait bien, si bien aux âmes sensibles et enamourées d'un art puissant fondé sur le ressenti. Non, décidément, mes chers camarades, emparez-vous de cette lecture qui fait du bien à l'âme. Lisez Delacroix de Catherine Meurice et finalement un petit peu aussi d'Alexandre Dumas. Dantès aura su nous exprimer la vengeance, Porthos la joie de vivre, et bien ici nul autre que l'auteur Dumas père viendra vous parler intimement du peintre Delacroix. Allez, c'est sur ces paroles que s'achève notre chronique, mes amis, et sur des dynamiques pictural qui plus est. J'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle parenthèse poétique, que dis-je, une nouvelle pastille poétique. À la prochaine, prenez soin de vous.